hop, hop. Ça, c'est exactement le genre de mix qu'il y avait en 1979. Les producteurs gardaient le même BPM pour que les DJ enchaînent facilement deux titres à la suite. Et ça faisait une super promo pour Donna Summer. Ces producteurs n'étaient pas n'importe qui. Ils vivaient à Munich, en Allemagne. Ils ont révolutionné la musique. C'était Pete Bellotte et le génial Giorgio Moroder. Voici Bad Girl, et ce soir, vous l'aurez compris, c'est Donna Summer. She's crazy like a fool. What about avant sa rencontre avec Giorgio Moroder, Donna Summer a 19 ans. Elle a tout juste le temps de quitter les États-Unis pour s'installer en Allemagne. Elle a décroché un contrat de folie pour chanter pendant la tournée allemande de la comédie musicale Air. Et c'est à ce moment qu'elle deviendra super copine avec Liz Mitchell, c'est la chanteuse des Boney M. Car avant la disco française, avant même la disco américaine, il y avait la disco allemande. Liz Mitchell, Boney M, Daddy Cool. She's crazy like a fool. La nuit des temps, l'international de la danse. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Love, c'est un peu l'équivalent de la cinquième de Beethoven pour le disco. C'est ça la révolution Moroder. Des synthétiseurs, un rythme martial, du chaud, du glacé et une pincée de sexe. Et c'est Donna Summer qui va exploser le punk avant elle-même de se faire exploser. En attendant, elle aura fait danser les clubs gays et amorcé avec une longueur d'avance la longue histoire de la house music. Nous sommes en 1977. Nous sommes aussi en 2019 avec Sam Smith qui sublime ici I Feel Love. I Feel Love. Thank you. nuit des temps, Radio Duo. I was 15, 16 when I really started to play guitar. I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Donna Summer. Hi, Donna Summer fans. I'm Mary Hart, and my husband, Bert Sugarman, just started a Donna Summer playlist on the Once official Upon a Time Midnight Special has YouTube probably channel the best for everyone reviews to enjoy of any before watching her new brand album new HBO in the last documentary, 10 years. Love to Love You, Donna Summer. They're fantastic. It's what you call a concept album. It's a story. And Donna Summer rightly deserves them. She's a phenomenon in the record industry. She also has a movie coming out, as Neil told you. So from Casablanca Records, will you greet, with her latest big hit, just a section of it, Donna Summer. Donna Summer. Donna Summer. Donna Summer. Donna Summer. Donna Summer. gives us, and we came up with the line "I Feel Love." And then I, you know, we started writing, started to write a lot of different lyrical things. And I said, you know, it just doesn't call for words. It's just like a chant. Let's just make it simple. And so we did. And in about 3 minutes, we wrote three sentences, and that was the song. And the minute we wrote it, we went, "This is a record. We know this." And it just was. We just knew it. And it just took off. Everything kind of snowballed from there. I mean, tell me a bit about how it began. Well, actually, this was the B side. The record company wanted me to have a single album as well, because I had always had that. So I was like, "Well, I'm going to have a And a bank is in about every country in the world. I picked up those trade magazines, and you look, you can see what's cooking in Italy, and France, and Germany, and England, and Australia, and New Zealand. And in every list, the only American artist who is in every list is Donna Summer. You just sell everywhere. Somebody has a stereo or some kind of record. Sometimes Harold Baltimore. Get letters from Africa. And after that, we kind of got the That's nice. That is good. From this album, you're going to do what is your new single, mm-hmm. "I Love You." Mm-hmm. It simply says it. Donna Summer. La nuit des temps, l'international de la danse. Thank you. finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux, parce que le temps qui court, court, change les plaisirs, et que le manque d'amour de plastique sont devenues vraies depuis longtemps. Et finalement, les affaires et l'argent ont remplacé mes jouets d'avant. Et c'est le temps qui court, sérieux, la vie nous a rendus plus orgueilleux, parce que le temps qui court, court, oh, change les plaisirs, et que le manque d'amour nous fait vieillir, parce que le temps qui qui court change sans doute les plaisirs. Et Bad Girl est sans doute le nom qui résume le mieux Donna Summer, avec une carrière que l'on pourrait qualifier de trois temps, une carrière en trois temps. Un premier mouvement que l'on peut qualifier de révolutionnaire sur le plan musical, transgressif sur le plan érotique, et avec les clubs gays pour propulser sa musique sur les dance floors de la planète. Un second mouvement, plus trouble cette fois, pendant lequel Donna Summer va chercher à effacer le côté sexuel de sa carrière, disparaître avec la vague disco et carrément tourner à l'aigre. Et puis, un mouvement permanent, plus sympa celui-là, toujours aujourd'hui, avec des musiciens ouvertement gays qui vont se réapproprier sa musique. Et au final, avec Donna Summer, malgré tout ce qu'elle a pu raconter, eh bien au final, c'est l'amour qui gagne. C'est sa musique reprise par énormément de musiciens qui gagnent. Bad Girl. You may ask.

1982, Donna Summer rencontre un second grand producteur. C'est Quincy Jones, juste avant de se lancer dans l'aventure Thriller de Michael Jackson. Il signe ce Love Control absolument phénoménal. Il est 22h sur Radio Duo et oui, c'est déjà l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club avec Donna Summer ce soir, qui a travaillé hard for the money comme elle le chantait dans les années 80, et c'était l'occasion pour nous de plonger dans les aventures de producteurs comme Giorgio Moroder, Pete Bellotte, Quincy Jones, et puis on aurait même pu prolonger le parcours avec les années 80 et le trio Stock, Aitken, Waterman. Nous avons accueilli ce soir autour de Donna Summer la disco allemande de Bon M, également Sam Smith et ses Pose Over Queer, Vincent Lecomte qui a toujours revisité aussi génialement le parcours de grandes divas comme ce soir Donna Summer, et il a remixé les sons de Giorgio Moroder, mais aussi la version française de Could It Be Magic, composée par le génial aussi Barry Malinoff et métamorphosée en Temps qui court par le dandy Alain Chamfort. Et puis, on va se quitter dans quelques instants avec Jimmy Somerville et Marc Almond, Queens parmi les Queens, pour leur fantastique reprise de Love, To Love, To Love, To Love, To Love You Baby. Des temps n'est pas seulement un club coincé dans une faille spatio-temporelle, mais c'est aussi un podcast que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Duo ou sur Instagram à La Nuit des Temps 2. Les bonnes ondes de Radio Duo se poursuivent ce soir sous les belles étoiles de Saint-Étienne, mais avec du vent. On se retrouve la semaine prochaine pour dresser l'antenne de la RKO et faire grincer les vieux amplis. Love. To love, to love, to love, to love you, baby. Salut! La nuit des temps, Radio Duo.